médiator à 100 balles, mais 100 balles, ça vaut que dalle pour ton médiator à 100 balles, mec. Tu t'emballes, tes accords sont le décor des petites paillettes fixées sur ton médiator. Il aurait fait de l'effet aux jeunes filles qui crient en bas de ta rue et ma bière. Oh, oh, oh, oh, oh. Pour ma mère, oh, oh, oh, oh, oh. Mais ma bière, oh, oh, oh, oh, oh. Ma mère, oh, oh, oh, oh, oh. Tu le tiens plus et il finira dans la rue. Tu ne vivras plus, tu ne riras plus et t'iras pleurer chez de la rue. Ma mère, oh, oh, oh, oh, oh. Ma mère, oh, oh, oh, oh, oh. Mais ma bière, oh, oh, oh, oh, oh. Et ma bière, oh, oh, oh, oh, oh. Ton médiator à 100 balles, mais 100 balles ça vaut que dalle. Pour ton médiator à 100 balles, ouais mec, moi tu t'emballes. Ta médiator à 100 balles, mais ton médiator il vaut que dalle. Pour ton médiator à 100 balles, toi tu t'emballes pour ta bière. Wow, oh, oh, oh, oh. Ta bière, wow, oh, oh, oh, oh, oh.